Section 6. Quatrième partie. Livre deuxième. Suite. J'étais plus que jamais déterminé à reprendre mon exil. Madame de Chateaubriand, effrayée de mon aventure, aurait déjà voulu être bien loin. Il ne fut plus question que de chercher le lieu où nous dresserions nos tentes. La grande difficulté était de trouver quelque argent pour vivre en terre étrangère et pour payer d'abord une dette qui m'attirait des menaces de poursuites et de saisies. La première année d'une ambassade ruine toujours l'ambassadeur. C'est ce qui m'arriva pour Rome. Je me retirai à l'avènement du ministère Polignac et je m'en allai, ajoutant à ma détresse ordinaire, 60 000 francs d'emprunt. J'avais frappé à toutes les bourses royalistes, aucune ne s'ouvrit. On me conseilla de m'adresser à Laffitte. M. Laffitte m'avança 10 000 francs que je donnai immédiatement aux créanciers les plus pressés. Sur le produit de mes brochures, je retrouvai la somme que je lui ai rendue avec reconnaissance. Mais une 30 000 francs restaient toujours à payer, en outre de mes vieilles dettes, car j'en ai qui ont de la barbe tant elles sont âgées. Malheureusement, cette barbe est une barbe d'or dont la coupe annuelle se fait sur mon menton. Monsieur le duc de Lévis, à son retour d'un voyage en Écosse, m'avait dit de la part de Charles X que ce prince voulait continuer à me faire ma pension de père. Je crus devoir refuser cette offre. Le duc de Lévis revint à la charge quand il me vit, au sortir de prison, dans l'embarras le plus cruel, ne trouvant rien de ma maison et de mon jardin rue d'enfer, et étant harcelé par une nuée de créanciers. J'avais déjà vendu mon argenterie. Le duc de Lévis m'apporta 20 000 francs, me disant noblement que ce n'était pas les 2 années de pension de Péry que le roi reconnaissait me devoir, et que mes dettes à Rome n'étaient qu'une dette de la couronne. Cette somme me mettait en liberté, je l'acceptai comme un prêt momentané, et j'écrivis au roi la lettre suivante. « Sire, au milieu des calamités dont il a plu à Dieu de sanctifier votre vie, vous n'avez point oublié ceux qui souffrent au pied du trône de Saint-Louis. Vous daignâtes me faire connaître il y a quelques mois votre généreux dessein de me continuer la pension de père, à laquelle je renonçais en refusant le serment au pouvoir illégitime. Je pensais que votre majesté avait des serviteurs plus pauvres que moi et plus dignes de ses bontés. Mais les derniers écrits que j'ai publiés m'ont causé des dommages et suscité des persécutions. J'ai essayé inutilement de vendre le peu de choses que je possède. Je me vois forcé d'accepter non la pension annuelle que votre majesté se proposait de me faire sur sa royale indigence, mais un secours provisoire pour me dégager des embarras qui m'empêchent de regagner l'asile où je pourrais vivre de mon travail. Sire, il faut que je sois bien malheureux pour me rendre à charge, même un moment, à une couronne que j'ai soutenue de tous mes efforts et que je continuerai de servir le reste de ma vie. Je suis, avec le plus profond respect, etc., Chateaubriand. Mon neveu, le comte Louis de Chateaubriand, m'avança de son côté une même somme de 20 000 francs. Ainsi, dégagé des obstacles matériels, je fis les préparatifs de mon second départ. Mais une raison d'honneur m'arrêtait. Madame la duchesse de Berry était sur le sol français. Que deviendrait-elle, et ne devais-je pas rester au lieu où ses périls pouvaient m'appeler? Habillé de la princesse, qui m'arriva du fond de la Vendée, acheva de me rendre libre. J'allais vous écrire, monsieur le vicomte, touchant ce gouvernement provisoire que j'ai cru devoir former, lorsque j'ignorais quand et même si je pouvais rentrer en France, et dont on me mande que vous aviez consenti à faire partie. Il n'a pas existé de fait, puisqu'il ne s'est jamais réuni, et quelques-uns des membres ne se sont entendus que pour me faire parvenir un avis que je n'ai pu suivre. Je ne leur en sais pas du tout mauvais gré. Vous avez jugé, d'après le rapport que vous ont fait de ma position et de celle du pays, ceux qui avaient des raisons pour connaître mieux que moi les effets d'une fatale influence à laquelle je n'ai pas voulu croire, et je suis sûr que si M. de Ch eût été près de moi, son cœur noble et généreux s'y fût également refusé. Je n'en compte pas moins sur les bons services individuels, et même les conseils des personnes qui faisaient partie du gouvernement provisoire et dont le choix m'avait été dicté par leur zèle éclairé et leur dévouement à la légitimité dans la personne de Henri V. Je vois que votre intention est de quitter encore la France. Je le regretterais beaucoup si je pouvais vous approcher de moi. Mais vous avez des armes qui touchent de loin, et j'espère que vous ne cesserez pas de combattre pour Henri V. Croyez, monsieur le vicomte, à toute mon estime et amitié, M. C. R. Par ce billet, madame se passait de mes services, ne se rendait point au conseil que j'avais osé lui donner dans la note dont M. Berryer avait été le porteur, elle en paraissait même un peu blessée, bien qu'elle reconnût qu'une fatale influence l'avait égarée. Ainsi rendue à ma liberté et dégagée de tout aujourd'hui, 7 août, n'ayant plus rien à faire qu'à partir, j'ai écrit ma lettre d'adieu à M. de Béranger qui m'avait visité dans ma prison. Paris, 7 août 1832. À M. de Béranger. Je voulais, monsieur, aller vous dire adieu et vous remercier de votre souvenir. Le temps m'a manqué et je suis obligé de partir sans avoir le plaisir de vous voir et de vous embrasser. J'ignore mon avenir. Y a-t-il aujourd'hui un avenir clair pour personne? Nous ne sommes pas dans un temps de révolution, mais de transformation sociale. Or, les transformations s'accomplissent lentement, et les générations qui se trouvent placées dans la période de la métamorphose périssent obscures et misérables. Si l'Europe, ce qui pourrait bien être, est à l'âge de la décrépitude, c'est une autre affaire. Elle ne produira rien et s'éteindra dans une impuissante anarchie de passions, de mœurs et de doctrines. En ce cas, monsieur, vous aurez chanté sur un tombeau. J'ai rempli, monsieur, tous mes engagements. Je suis revenu à votre voix. J'ai défendu ce que j'étais venu défendre. J'ai subi le choléra. Je retourne à la montagne. Ne brisez pas votre lyre comme vous nous en menacez. Je lui dois un de mes plus glorieux titres au souvenir des hommes. Faites encore sourire et pleurer la France, car il arrive, par un secret de vous seul connu, que dans vos chansons populaires, les paroles sont gaies et la musique plaintive. Je me recommande à votre amitié et à votre muse, Chateaubriand. Je dois me mettre en route demain. Madame de Chateaubriand me rejoindra à Lucerne. Bâle, 12 août 1832. Beaucoup d'hommes meurent sans avoir perdu leur clocher de vue. Je ne puis rencontrer le clocher qui me doit voir mourir. En quête d'un asile pour achever mes mémoires, je chemine de nouveau, traînant à ma suite un énorme bagage de papier, correspondances diplomatiques, notes confidentielles, lettres de ministres et de rois. C'est l'histoire portée en croupe par le roman. J'ai vu, à Vesoul, M. Augustin Thierry, retiré chez son frère, le préfet. Lorsqu'autrefois, à Paris, il m'envoya son histoire de la conquête des Normands, je l'allais remercier. Je trouvai un jeune homme dans une chambre dont les volets étaient à demi fermés. Il était presque aveugle. Il essaya de se lever pour me recevoir, mais ses jambes ne le portaient plus et il tomba dans mes bras. Il rougit lorsque je lui exprimai mon admiration sincère. Ce fut alors qu'il me répondit que son ouvrage était le mien et que c'était en lisant la bataille des Francs dans les Martyrs qu'il avait conçu l'idée d'une nouvelle manière d'écrire l'histoire. Quand je pris congé de lui, alors il s'efforça de me suivre et il se traîna jusqu'à la porte en s'appuyant contre le mur. Je sortis tout ému de tant de talent et de tant de malheur. À Vesoul surgit, après un long bannissement, Charles X, maintenant faisant voile vers le nouvel exil qui sera pour lui le dernier. J'ai passé la frontière sans accident avec mon fatras. Voyons si, au revers des Alpes, je ne pourrais jouir de la liberté de la Suisse et du soleil de l'Italie, besoin de mes opinions et de mes années. À l'entrée de Bâle, j'ai rencontré un vieux Suisse douanier. Il m'a fait faire, bedit, garanden, d'incardir. On a descendu mon bagage dans une cave, on a mis en mouvement je ne sais quoi qui imitait le bruit d'un métier à bas. Il s'est élevé une fumée de vinaigre et purifié ainsi de la contagion de la France, le bon Suisse m'a relâché. J'ai dit dans l'itinéraire, en parlant des cigognes d'Athènes, du haut de leur nid que les révolutions ne peuvent atteindre, elles ont vu au-dessous d'elles changer la race des mortels. Tandis que des générations impies se sont élevées sur les tombeaux des générations religieuses, la jeune cigogne a toujours nourri son vieux père. Je retrouve à Bâle le nid de cigogne que j'y laissais il y a 6 ans. Mais l'hôpital au toit duquel la cigogne de Bâle a échafaudé son nid n'est pas le Parthénon, le soleil du Rhin n'est pas le soleil du Céphise, le concile n'est pas l'aréopage, Érasme n'est pas Périclès, pourtant c'est quelque chose que le Rhin, la forêt noire, le bal romain et germanique. Louis XIV étendit la France jusqu'aux portes de cette ville, et 3 monarques ennemis la traversèrent en 1813 pour venir dormir dans le lit de Louis le Grand, en vain défendu par Napoléon. Allons voir les danses de la mort de Holbein. Elles nous rendront compte des vanités humaines. La danse de la mort, si toutefois ce n'était pas même alors une véritable peinture, eut lieu à Paris en 1424, au cimetière des Innocents. Elle nous venait de l'Angleterre. La représentation du spectacle fut fixée dans des tableaux. On les vit exposés dans les cimetières de Dresde, de Lübeck, de Minden, de la Chaise-Dieu, de Strasbourg, de Blois, en France, et le pinceau de Holbein immortalisa à Bâle ses joies de la tombe. Ces danses macabres du grand artiste ont été emportées à leur tour par la mort, qui n'épargne pas ses propres folies. Il n'est resté à Bâle, du travail d'Holbein, que 6 pièces sciées sur les pierres du cloître et déposées à la bibliothèque de l'université. Un dessin colorié a conservé l'ensemble de l'ouvrage. Ces grotesques, sur un fond terrible, ont du génie de Shakespeare, génie mêlé de comique et de tragique. Les personnages sont d'une vive expression. Pauvres et riches, jeunes et vieux, hommes et femmes, papes, cardinaux, prêtres, empereurs, rois, reines, princes, ducs, nobles, magistrats, guerriers, tous se débattent et raisonnent avec et contre la mort. Pas un ne l'accepte de bonne grâce. La mort est variée à l'infini, mais toujours bouffonne à l'instar de la vie, qui n'est qu'une sérieuse pantalonnade. Cette mort du peintre satirique a une jambe de moins comme le mendiant à jambe de bois qu'elle accoste. Elle joue de la mandoline derrière l'os de son dos comme le musicien qu'elle entraîne. Elle n'est pas toujours chauve. Des brins de cheveux blonds, bruns, gris, voltigent sur le cou du squelette et le rendent plus effroyable en le rendant presque vivant. Dans un des cartouches, la mort a quasi de la chair. Elle est quasi jeune comme un jeune homme, et elle emmène une jeune fille qui se regarde dans un miroir. La mort a dans son bissac des tours d'un écolier narquois. Elle coupe avec des ciseaux la corde du chien qui conduit un aveugle, et l'aveugle est à 2 pas d'une fosse ouverte. Ailleurs, la mort, en petit manteau, aborde une de ses victimes avec les gestes d'un pasquin. Holbein a pu prendre l'idée de cette formidable gaieté dans la nature même. Entrée dans un reliquaire, toutes les têtes de mort semblent ricaner parce qu'elles découvrent les dents. C'est le rire. De quoi ricane-t-elle? Du néant ou de la vie? La cathédrale de Bâle et surtout les anciens cloîtres m'ont plu. En parcourant ces derniers remplis d'inscriptions funèbres, j'ai lu les noms de quelques réformateurs. Le protestantisme choisit mal le lieu et prend mal son temps quand il se place dans les monuments catholiques. On voit moins ce qu'il a réformé que ce qu'il a détruit. Ces pédants secs, qui pensaient refaire un christianisme primitif dans un vieux christianisme, créateur de la société depuis 15 siècles, n'ont pu élever un seul monument. À quoi ce monument eût-il répondu? Comment aurait-il été en rapport avec les mœurs? Les hommes n'étaient point faits comme Luther et Calvin au temps de Luther et de Calvin. Ils étaient faits comme Léon X avec le génie de Raphaël, ou comme Saint-Louis avec le génie gothique. Le petit nombre ne croyait à rien, le grand nombre croyait à tout. Aussi le protestantisme n'a-t-il pour temple que des salles d'école, ou pour église que les cathédrales qu'il a dévastées. Il y a établi sa nudité. Jésus-Christ et ses apôtres ne ressemblaient pas sans doute aux Grecs et aux Romains de leur siècle, mais ils ne venaient pas réformer un ancien culte, ils venaient établir une religion nouvelle, remplacer les dieux par un dieu. Lucerne, 14 août 1832. Le chemin de Bâle à Lucerne par l'Argovie offre une suite de vallées, dont quelques-unes ressemblent à la vallée d'Argelès, moins le ciel espagnol des Pyrénées. À Lucerne, les montagnes différemment groupées, étagées, profilées, coloriées, se terminent en se retirant les unes derrière les autres et en s'enfonçant dans la perspective aux neiges voisines du Saint-Gothard. Si l'on supprimait le Righi et le Pilate, et si l'on ne conservait que les collines surfacées d'herbages et de lapinières qui bordent immédiatement le lac des 4 cantons, on reproduirait un lac d'Italie. Les arcades du cloître du cimetière, dont la cathédrale est environnée, sont comme les loges d'où l'on peut jouir de ce spectacle. Les monuments de ce cimetière ont pour étendard une croisette de fer portant un Christ doré. Au rayon du soleil, ce sont autant de points de lumière qui s'échappent des tombes. De distance en distance, il y a des bénitiers dans lesquels trempe un rameau avec lequel on peut bénir des cendres regrettées. Je ne pleurais rien là en particulier, mais j'ai fait descendre la rosée lustrale sur la communauté silencieuse des chrétiens et des malheureux, mes frères. Une épitaphe me dit « Odi mihi cras tibi », une autre « Fuit homo », une autre « Siste viator »,« Abi viator ». Et j'attends demain, et j'aurai été homme, et voyageur je m'arrête, et voyageur je m'en vais. Appuyé à l'une des arcades du cloître, j'ai regardé longtemps le théâtre des aventures de Guillaume Tell et de ses compagnons. Théâtre de la liberté helvétique, si bien chanté et décrit par Schiller et Jean de Müller. Mes yeux cherchaient dans l'immense tableau la présence des plus illustres morts, et mes pieds foulaient les cendres les plus ignorées. En revoyant les Alpes, il y a 4 ou 5 ans, je me demandais ce que j'y venais chercher. Que dirais-je donc aujourd'hui? Que dirais-je demain, et demain encore? Malheur à moi qui ne puis vieillir, et qui vieillis toujours. Lucerne, 15 août 1832. Les Capucins sont allés ce matin, selon l'usage, le jour de l'Assomption, bénir les montagnes. Ces moines professent la religion sous la protection de laquelle naquit l'indépendance suisse. Cette indépendance dure encore. Que deviendra notre liberté moderne, toute maudite de la bénédiction des philosophes et des bourreaux? Elle n'a pas 40 années, et elle a été vendue et revendue, maquignonnée, brocantée, à tous les coins de rue. Il y a plus de liberté dans le froc d'un capucin qui bénit les Alpes que dans la friperie entière des législateurs de la République, de l'Empire, de la Restauration et de l'usurpation de Juillet. Le voyageur français en Suisse est touché et attristé. Notre histoire, pour le malheur des peuples de ces régions, se lie trop à leur histoire. Le sang de l'Helvétie a coulé pour nous et par nous. Nous avons porté le fer et le feu dans la chaumière de Guillaume Tell. Nous avons engagé dans nos guerres civiles le paysan guerrier qui gardait le trône de nos rois. Le génie de Thorswaldsen a fixé le souvenir du 10 août à la porte de Lucerne. Le lion helvétique expire, percé d'une flèche, en couvrant de sa tête affaissée et d'une de ses pattes l'écu de France, dont on ne voit plus qu'une des fleurs de lys. La chapelle consacrée aux victimes, le bouquet d'arbres verts qui accompagne le bas-relief sculpté dans le roc, le soldat échappé au massacre du 10 août qui montre aux étrangers le monument, le billet de Louis XVI qui ordonne aux Suisses de mettre bas les armes, le devant d'autel offert par Madame la Dauphine à la chapelle expiatoire et sur lequel ce parfait modèle de douleur a brodé l'image de l'agneau divin immolé. Par quel conseil la Providence, après la dernière chute du trône des Bourbons, m'envoie-t-elle chercher un asile auprès de ce monument? Du moins, je puis le contempler sans rougir, je puis poser ma main faible, mais non par jure, sur l'écu de France, comme le lion l'enserre de ses ongles puissants, mais détendus par la mort. Eh bien, ce monument, un membre de la Diète a proposé de le détruire. Que demande la Suisse? La liberté? Elle en jouit depuis 4 siècles. L'égalité? Elle l'a. La République? C'est la forme de son gouvernement. L'allègement des taxes? Elle ne paye presque point d'impôts. Que veut-elle donc? Elle veut changer, c'est la loi des êtres. Quand un peuple, transformé par le temps, ne peut plus rester ce qu'il a été, le premier symptôme de sa maladie, c'est la haine du passé et des vertus de ses pères. Je suis revenu du monument du 10 août par le grand pont couvert, espèce de galerie de bois suspendue sur le lac. 238 tableaux triangulaires, placés entre les chevrons du toit, décorent cette galerie. Ce sont des fastes populaires où le Suisse, en passant, apprenait l'histoire de sa religion et de sa liberté. J'ai vu les poules d'eau privées. J'aime mieux les poules d'eau sauvages de l'étang de Combourg. Dans la ville, le bruit d'un chœur de voix m'a frappé. Il sortait d'une chapelle de la Vierge. Entré dans cette chapelle, je me suis cru transporté au jour de mon enfance. Devant 4 autels dévotement parés, des femmes récitaient, avec le prêtre, le chapelet et les litanies. C'était comme la prière du soir au bord de la mer dans ma pauvre Bretagne. Et j'étais au bord du lac de Lucerne. Une main renouait ainsi les deux bouts de ma vie pour me faire mieux sentir tout ce qui s'était perdu dans la chaîne de mes années. Sur le lac de Lucerne, 16 août 1832, midi. Alpes, abaissez vos cimes, je ne suis plus digne de vous. Jeune, je serai solitaire. Vieux, je ne suis qu'isolé. Je la peindrai bien encore, la nature, mais pour qui? qui se soucierait de mes tableaux? Quels bras, autres que ceux du temps, presseraient en récompense mon génie au front dépouillé? Qui répéterait mes chants? À quelle muse en inspirerais-je? Sous la voûte de mes années, comme sous celle des monts neigeux qui m'environnent, aucun rayon de soleil ne viendra me réchauffer. Quelle pitié de traîner à travers ces monts des pas fatigués que personne ne voudrait suivre. Quel malheur de ne me trouver libre d'errer de nouveau qu'à la fin de ma vie. 2 heures. Ma barque s'est arrêtée à la cale d'une maison sur la rive droite du lac avant d'entrer dans le golfe du Ry. J'ai gravi le verger de cette auberge et suis venu m'asseoir sous 2 noyers qui protègent une étable. Devant moi, un peu à droite, sur le bord opposé du lac, se déploie le village de Schwitz, parmi des vergers et les plans inclinés de ces pâturages dits « Alpes » dans le pays. Il est surmonté d'un roc ébréché en demi-cercle et dont les 2 pointes, le Mitten et le Haken, la mitre et la crosse, tirent leur appellation de leur forme. Ce chapiteau cornu repose sur des gazons, comme la couronne de la rude indépendance helvétique sur la tête d'un peuple de bergers. Le silence n'est interrompu autour de moi que par le tintement de la clochette de 2 génisses restées dans l'étable voisine. Elle semble me sonner la gloire de la pastorale liberté que Schwitz a donnée, avec son nom, à tout un peuple. Un petit canton dans le voisinage de Naples, appelé Italia, a de même, mais avec des droits moins sacrés, communiqué son nom à la terre des Romains. 3 heures. Nous partons, nous entrons dans le golfe ou le lac du Ry. Les montagnes s'élèvent et s'assombrissent. Voilà la croupe herbue du Grotelé et les 3 fontaines où Fürst Arnold de Melchthal et Stauffacher jurèrent la délivrance de leur pays. Voilà au pied de Larsenberg la chapelle qui signale l'endroit où Tell, sautant de la barque de Gessler, la repoussa d'un coup de pied au milieu des vagues. Mais Tell et ses compagnons ont-ils jamais existé? Ne seraient-ils que des personnages du Nord, nés des champs d'Escalde, et dont on retrouve les traditions héroïques sur les rivages de la Suède? Les Suisses sont-ils aujourd'hui ce qu'ils étaient à l'époque de la conquête de leur indépendance? Ces sentiers des ours voient rouler des calèches où Tell et ses compagnons bondissaient, l'arc à la main, d'abîme en abîme. Moi-même, suis-je un voyageur en harmonie avec ces lieux? Un orage me vient heureusement assaillir. Nous abordons dans une crique, à quelques pas de la chapelle de Tell. C'est toujours le même Dieu qui soulève les vents, et la même confiance dans ce Dieu qui rassure les hommes. Comme autrefois, en traversant l'océan, les lacs de l'Amérique, les mers de la Grèce, de la Syrie, j'écris sur un papier inondé. Les nuages, les flots, les roulements de la foudre s'allient mieux au souvenir de l'antique liberté des Alpes que la voix de cette nature efféminée et dégénérée que mon siècle a placée malgré moi dans mon sein. Altorf. Débarqué à Fluelen, arrivé à Altorf, le manque de chevaux va me retenir une nuit au pied du Bannberg. Ici, Guillaume Tell a bâti la pomme sur la tête de son fils. Le trait d'arc était de la distance qui sépare ces 2 fontaines. Croyons, malgré la même histoire racontée par Saxon le Grammairien et que j'ai citée le premier dans mon essai sur les révolutions, ayons foi en la religion et la liberté, les 2 seules grandes choses de l'homme. La gloire et la puissance sont éclatantes, non grandes. Demain, du haut du Saint-Gothard, je saluerai de nouveau cette Italie que j'ai saluée du sommet du Simplon et du Mont-Cenis. Mais à quoi bon ce dernier regard jeté sur les régions du Midi et de l'Aurore? Le pin des glaciers ne peut descendre parmi les orangers qu'il voit au-dessous de lui, dans les vallées fleuries. 10 heures du soir, l'orage recommence, les éclairs s'entortillent aux rochers, les échos grossissent et prolongent le bruit de la foudre, les mugissements de Schochen et de la Reuss accueillent le barde de l'Armorique. Depuis longtemps, je ne m'étais trouvé seul et libre. Rien dans la chambre où je suis enfermé. 2 couches pour un voyageur qui veille et qui n'a ni amours à bercer, ni songes à faire. Ces montagnes, cet orage, cette nuit sont des trésors perdus pour moi. Que de vie, cependant, je sens au fond de mon âme. Jamais, quand le sang le plus ardent coulait de mon cœur dans mes veines, je n'ai parlé le langage des passions avec autant d'énergie que je le pourrais faire en ce moment. Il me semble que je vois sortir des flancs du Saint-Gothard ma sylphide des bois de Combourg. Me viens-tu retrouver, charmant fantôme de ma jeunesse? As-tu pitié de moi? Tu le vois, je ne suis changé que de visage. toujours chimérique, dévoré d'un feu sans cause et sans aliment. Je sors du monde et j'y entrai quand je te créai dans un moment d'extase et de délire. Voici l'heure où je t'invoquai dans ma tour. Je puis encore ouvrir ma fenêtre pour te laisser entrer. Si tu n'es pas contente des grâces que je t'avais prodiguées, je te ferai 100 fois plus séduisante. Ma palette n'est pas épuisée. J'ai vu plus de beauté et je sais mieux peindre. Viens t'asseoir sur mes genoux. N'aie pas peur de mes cheveux. Caresse-les de tes doigts de fée ou d'ombre, qu'ils rembrunissent sous tes baisers. Cette tête que ces cheveux qui tombent n'assagissent point est tout aussi folle qu'elle l'était lorsque je te donnais l'être, fille aînée de mes illusions, doux fruit de mes mystérieuses amours avec ma première solitude. Viens, nous monterons encore ensemble sur nos nuages. Nous irons avec la foudre sillonner, illuminer, embraser les précipices où je passerai demain. Viens, emporte-moi comme autrefois, mais ne me rapporte plus. On frappe à ma porte. Ce n'est pas toi, c'est le guide. Les chevaux sont arrivés, il faut partir. De ce songe, il ne reste que la pluie, le vent et moi, songe sans fin, éternel orage. 17 août 1832, Hampstead. D'Altorf ici, une vallée entre les montagnes rapprochées, comme on en voit partout. La Reuss bruyante au milieu. À l'auberge du Cerf, un petit étudiant allemand qui vient des glaciers du Rhône et qui me dit « Faut venir l'Altorf ce matin, allez vite !» Il me croyait à pied comme lui. Puis, apercevant mon char à banc, « Oh, les chevals, cette autre chose !» Si l'étudiant voulait troquer ses jeunes jambes contre mon char à banc et mon plus mauvais char de gloire, avec quel plaisir je prendrais son bâton, sa blouse grise et sa barbe blonde. Je m'en irais au glacier du Rhône, je parlerais la langue de Schiller à ma maîtresse et je rêverais creusement la liberté germanique. Lui, il cheminerait, vieux comme le temps, ennuyé comme un mort, détrompé par l'expérience, s'étant attaché au cou comme une sonnette, un bruit dont il serait plus fatigué au bout d'un quart d'heure que du fracas de la Reuss. L'échange n'aura pas lieu, les bons marchés ne sont pas à mon usage. Mon écolier part, il me dit, en ôtant et remettant son bonnet teuton avec un petit coup de tête, « Permis !» Encore une ombre évanouie. L'écolier ignore mon nom. Il m'aura rencontré, ne le saura jamais. Je suis dans la joie de cette idée. J'aspire à l'obscurité avec plus d'ardeur que je ne souhaitais autrefois à la lumière. Celle-ci m'importune, ou, comme éclairant mes misères, ou comme me montrant des objets dont je ne puis plus jouir. J'ai hâte de passer le flambeau à mon voisin. 3 garçonnets tirent à l'arbalète. Guillaume Tell et Gessler sont partout. Les peuples libres conservent le souvenir des fondations de leur indépendance. Demandez à un petit pauvre de France s'il a jamais lancé la hache en mémoire du roi Hodwig ou Chlodwig ou Clovis. Le nouveau chemin du Saint-Gothard, en sortant d'Amsteg, va et vient en zigzag pendant 2 lieues, tantôt joignant la Reuss, tantôt s'en écartant quand la fissure du torrent s'élargit. Sur les reliefs perpendiculaires du paysage, des pentes rases ou bouquetées de cépés de hêtre, des pics dardant la nue, des dômes coiffés de glace, des sommets chauves ou conservant quelques rayons de neige comme des mèches de cheveux blancs. Dans la vallée, des ponts, des colonnes en planches noircies, des noyers et des arbres fruitiers qui gagnent en luxe de branches et de feuilles ce qu'ils perdent en succulence de fruits. La nature alpestre force ces arbres à redevenir sauvages. La sève se fait jour malgré la greffe. Un caractère énergique brise les liens de la civilisation. Un peu plus haut, au limbe droit de la Reuss, la Seine change. Le fleuve coule avec cascade dans une ornière caillouteuse, sous une avenue double et triple de pins. C'est la vallée du pont d'Espagne à Cotteray. Au pan de la montagne, les mélèzes végètent sur les arêtes vives du roc. Amarrés par leurs racines, ils résistent au choc des tempêtes. Le chemin, quelques carrés de pommes de terre, attestent seul l'homme dans ce lieu. Il faut qu'il mange et qu'il marche. C'est le résumé de son histoire. Les troupeaux relégués au pâturage des régions supérieures ne paraissent point. D'oiseaux aucun, d'aigle il n'en est plus question. Le grand aigle est tombé dans l'océan en passant à Sainte-Hélène. Il n'y a vol si haut et si fort qui ne défaille dans l'immensité des cieux. L'aiglon royal vient de mourir. On nous avait annoncé d'autres aiglons de juillet 1830, apparemment qu'ils sont descendus de leur aire pour nicher avec les pigeons pâtus. Ils n'enlèveront jamais de chamois dans leur serre. Débilité à la lueur domestique, leur regard clignotant ne contemplera jamais du sommet du Saint-Gothard le libre et éclatant soleil de la gloire de la France. Après avoir franchi le pont du Sceau du Prêtre et contourné le mamelon du village de Vassen, on reprend la rive droite de la Reuss. À l'une et l'autre orée, des cascades blanchissent parmi des gazons tendus comme des tapisseries vertes sur le passage des voyageurs. Par un défilé, on aperçoit le glacier de Rance qui se lie au glacier de la Fourca. Enfin, on pénètre dans la vallée de Schollenen où commence la première rampe du Saint-Gothard. Cette vallée est une coche de 2000 pieds de profondeur entaillée dans un plein bloc de granit. Les parois du bloc forment des murs gigantesques surplombants. Les montagnes n'offrent plus que leurs flancs et leurs crêtes ardentes et rougies. La Reuss tonne dans son lit vertical, matelassé de pierre. Un débris de tour témoigne d'un autre temps, comme la nature accuse ici des siècles immémorés. Soutenu en l'air par des murs le long des masses graniteuses, le chemin, torrent immobile, circule parallèle au torrent mobile de la Reuss. Çà et là, des voûtes en maçonnerie ménagent aux voyageurs un abri contre l'avalanche. On vire encore quelques pas dans une espèce d'entonnoir tortueux, et tout à coup, à l'une des volutes de la conque, on se trouve face à face du pont du diable. Ce pont coupe aujourd'hui l'arcade du nouveau pont plus élevé, bâti derrière, et qui le domine. Le vieux pont ainsi altéré ne ressemble plus qu'à un court aqueduc à double étage. Le pont nouveau, lorsqu'on vient de la Suisse, masque la cascade en retraite. Pour jouir des arcs en ciel et des rejaillissements de la cascade, il se faut placer sur ce pont. Mais quand on a vu la cataracte du Niagara, il n'y a plus de chute d'eau. Ma mémoire oppose sans cesse mes voyages à mes voyages, montagnes à montagnes, fleuves à fleuves, forêts à forêts, et ma vie détruit ma vie. Même chose m'arrive à l'égard des sociétés et des hommes. Les chemins modernes que le Simplon a enseignés et que le Simplon efface n'ont pas l'effet pittoresque des anciens chemins. Ces derniers, plus hardis et plus naturels, n'évitaient aucune difficulté. Ils ne s'écartaient guère du cours des torrents. Ils montaient et descendaient avec le terrain, gravissaient les rochers, plongeaient dans les précipices, passaient sous les avalanches, n'ôtant rien au plaisir de l'imagination et à la joie des périls. L'ancienne route du Saint-Gothard, par exemple, était tout autrement aventureuse que la route actuelle. Le pont du diable méritait sa renommée lorsqu'en l'abordant, on apercevait au-dessus la cascade de la Reuss et qu'il traçait un arc obscur, ou plutôt un étroit sentier, à travers la vapeur brillante de la chute. Puis, au bout du pont, le chemin montait à pic pour atteindre la chapelle dont on voit encore la ruine. Au moins, les habitants du Riz ont eu la pieuse idée de bâtir une autre chapelle à la cascade. Enfin, ce n'étaient pas des hommes comme nous qui traversaient autrefois les Alpes. C'étaient des hordes de barbares ou des légions romaines. C'étaient des caravanes de marchands, des chevaliers, des condottieri, des routiers, des pèlerins, des prélats, des moines. On racontait des aventures étranges. Qui avait bâti le pont du diable? Qui avait précipité dans la prairie de Fassen la roche du diable? Çà et là s'élevaient des donjons, des croix, des oratoires, des monastères, des ermitages, gardant la mémoire d'une invasion, d'une rencontre, d'un miracle ou d'un malheur. Chaque tribu montagnarde conservait sa langue, ses vêtements, ses mœurs, ses usages. On ne trouvait point, il est vrai, dans un désert, une excellente auberge. On n'y buvait point de vin de champagne, on n'y lisait point la gazette. Mais s'il y avait plus de voleurs au Saint-Gothard, il y avait moins de fripons dans la société. Que la civilisation est une belle chose. Cette perle, je la laisse au beau premier lapidaire. Souvarov et ses soldats ont été les derniers voyageurs dans ce défilé, au bout duquel ils rencontrèrent Masséna. Après avoir débouché du pont du diable et de la galerie du Merloch, on gagne la prairie d'Urcern, fermée par des redans comme les sièges de pierre d'une arène. La Reuss coule paisible au milieu de la verdure, le contraste est frappant. C'est ainsi qu'après et avant les révolutions, la société paraît tranquille. Les hommes et les empires sommeillent à deux pas de l'abîme où ils vont tomber. Au village d'Hospital commence la seconde rampe, laquelle atteint le sommet du Saint-Gothard, qui est envahi par des masses de granit. Ces masses roulées, enflées, brisées, festonnées à leur cime par quelques guirlandes de neige, ressemblent aux vagues fixes et écumeuses d'un océan de pierre sur lequel l'homme a laissé les ondulations de son chemin. Au pied du mont Adul, entre mille roseaux, le Rhin, tranquille et fier du progrès de ses eaux, appuyé d'une main sur son urne penchante, dormait au bruit flatteur de son onde naissante. Très beau vers, mais inspiré par les fleuves de marbre de Versailles. Le Rhin ne sort point d'une couche de roseaux, il se lève d'un lit de frimas, son urne, ou plutôt ses urnes, sont de glace. Son origine est congénère à ces peuples du Nord, dont il devint le fleuve adoptif et la ceinture guerrière. Le Rhin, né du Saint-Gothard dans les Grisons, verse ses eaux à la mer de la Hollande, de la Norvège et de l'Angleterre. Le Rhône, fils aussi du Saint-Gothard, porte son tribut au Neptune de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce. Des neiges stériles forment les réservoirs de la fécondité du monde ancien et du monde moderne. Deux étangs sur le plateau du Saint-Gothard donnent naissance l'un au Tessin, l'autre à la Reuss. La source de la Reuss est moins élevée que la source du Tessin, de sorte qu'en creusant un canal de quelques centaines de pas, on jetterait le Tessin dans la Reuss. Si l'on répétait le même ouvrage pour les principaux affluents de ces eaux, on produirait d'étranges métamorphoses dans les contrées au bas des Alpes. Un montagnard se peut donner le plaisir de supprimer un fleuve, de fertiliser ou de stériliser un pays. Voilà de quoi rabattre l'orgueil de la puissance. C'est chose merveilleuse que de voir la Reuss et le Tessin se dire un éternel adieu et prendre leurs chemins opposés sur les deux versants du Saint-Gothard. Leurs berceaux se touchent, leurs destinées sont séparées, ils vont chercher des terres différentes et divers soleils, mais leurs mères, toujours unies, ne cessent du haut de la solitude de nourrir leurs enfants désunis. Il y avait jadis sur le Saint-Gothard un hospice desservi par des capucins. On n'en voit plus que les ruines. Il ne reste de la religion qu'une croix de bois vermoulue avec son Christ. Dieu demeure quand les hommes se retirent. Sur le plateau du Saint-Gothard, désert dans le ciel, finit un monde et commence un autre monde. Les noms germaniques sont remplacés par des noms italiens. Je quitte ma compagne, la Reuss, qui m'avait amené en la remontant du lac de Lucerne pour descendre au lac de Lugano avec mon nouveau guide, le Tessin. Le Saint-Gothard est taillé à pic du côté de l'Italie. Le chemin qui se plonge dans la Val Trémola fait honneur à l'ingénieur forcé de le dessiner dans la gorge la plus étroite. Vu d'en haut, ce chemin ressemble à un ruban plié et replié. Vu d'en bas, les murs qui soutiennent les remblais font l'effet des ouvrages d'une forteresse où imitent ces digues qu'on élève les unes au-dessus des autres contre l'envahissement des eaux. Quelquefois aussi, à la double file des bornes plantées régulièrement sur les deux côtés de la route, on dirait une colonne de soldats descendant les Alpes pour envahir encore une fois la malheureuse Italie. Samedi, 18 août 1832, Lugano. J'ai passé de nuit à Irolo, Bellinzona et la Val Levantine. Je n'ai point vu la terre, j'ai seulement entendu les torrents. Dans le ciel, les étoiles se levaient parmi les coupoles et les aiguilles des montagnes. La lune n'était point d'abord à l'horizon, mais son aube s'épanouit par degrés devant elle, de même que ces gloires dont les peintres du XIVe siècle entouraient la tête de la Vierge. Elle parut enfin, creusée et réduite au quart de son disque, sur la cime dentelée du Furca, les pointes de son croissant ressemblaient à des ailes. On eût dit d'une colombe blanche échappée de son nid de rocher. À sa lumière affaiblie et rendue plus mystérieuse, l'astre échancré me révéla le lac majeur au bout de la Val Levantine. Deux fois, j'avais rencontré ce lac, une fois en me rendant au congrès de Vérone, une autre fois en me rendant en ambassade à Rome. Je le contemplais alors au soleil, dans le chemin des prospérités. Je l'entrevoyais à présent la nuit, du bord opposé sur la route de l'infortune. Entre mes voyages, séparés seulement de quelques années, il y avait de moins une monarchie de 14 siècles. Ce n'est pas que j'en veuille le moins du monde à ces révolutions politiques. En me rendant à la liberté, elles m'ont rendu à ma propre nature. J'ai encore assez de sève pour reproduire la primeur de mes songes, assez de flamme pour renouer mes liaisons avec la créature imaginaire de mes désirs. Le temps et le monde que j'ai traversé n'ont été pour moi qu'une double solitude, où je me suis conservé tel que le ciel m'avait formé. Pourquoi me plaindrais-je de la rapidité des jours, puisque je vivais dans une heure autant que ceux qui passent des années à vivre ? Lugano est une petite ville d'un aspect italien, portique comme à Bologne, peuple faisant son ménage dans la rue comme à Naples, architecture de la Renaissance, toits dépassant les murs sans corniches, fenêtres étroites et longues, nues ou ornées d'un chapiteau et percées jusque dans l'architrave. La ville s'adosse à un coteau de vigne que dominent deux plans superposés de montagnes, l'un de pâturage, l'autre de forêt. Le lac est à ses pieds. Il existe, sur le plus haut sommet d'une montagne, à l'est de Lugano, un hameau dont les femmes grandes et blanches ont la réputation des circassiennes. La veille de mon arrivée était la fête de ce hameau. On était allé en pèlerinage à la beauté. Cette tribu sera quelques débris d'une race des barbares du Nord, conservée sans mélange au-dessus des populations de la plaine. Je me suis fait conduire aux diverses maisons qu'on m'avait indiquées comme me pouvant convenir. J'en ai trouvé une charmante, mais d'un loyer beaucoup trop cher. Pour mieux voir le lac, je me suis embarqué. Un de mes deux bateliers parlait un jargon franco-italien entrelardé d'anglais. Il me nommait les montagnes et les villages sur les montagnes. San Salvador, au sommet duquel on découvre le dôme de la cathédrale de Milan. Castagnola, avec ses oliviers dont les étrangers mettent de petits rameaux à leurs boutonnières. Gandria, limite du canto du Tessin sur le lac. Saint-Georges, enfêté de son ermitage. Chacun de ces lieux avait son histoire. L'Autriche, qui prend tout et ne donne rien, conserve au pied du mont Caprino un village enclavé dans le territoire du Tessin. En face de l'autre côté, au pied du San Salvador, elle possède encore une espèce de promontoire sur lequel il y a une chapelle. Mais elle a prêté gracieusement aux Luganois ce promontoire pour exécuter les criminels et pour y élever des fourches patibulaires. Elle argumentera chaque jour de cette haute justice exercée par sa permission sur son territoire comme d'une preuve de sa suzeraineté sur Lugano. On ne fait plus subir aujourd'hui aux condamnés le supplice de la corde. On leur coupe la tête. Paris a fourni l'instrument. Vienne le théâtre du supplice, présent digne de deux grandes monarchies. Ces images me poursuivaient lorsque sur la vague d'azur, au souffle de la brise parfumée de l'ambre des pins, vinrent à passer les barques d'une confrérie qui jetait des bouquets dans le lac au son des hautbois et des cors. Des hirondelles se jouaient autour de ma voile. Parmi ces voyageuses, ne reconnaîtrais-je pas celle que je rencontrais un soir, en errant sur l'ancienne voie de Tibur et de la maison d'Horace ? La Lydie du poète n'était point alors avec ses hirondelles de la campagne de Tibur. Mais je savais qu'en ce moment même, une autre jeune femme enlevait furtivement une rose, déposée dans le jardin abandonné d'une villa du siècle de Raphaël, et ne cherchait que cette fleur sur les ruines de Rome. Les montagnes qui entourent le lac de Lugano, ne réunissant guère leur base qu'au niveau du lac, ressemblent à des îles séparées par d'étroits canaux. Elles m'ont rappelé la grâce, la forme et la verdure de l'archipel des Açores. Je consommerai donc l'exil de mes derniers jours sous ces riants portiques, où la princesse de Belgio-Josso a laissé tomber quelques jours de l'exil de sa jeunesse. J'acheverai donc mes mémoires à l'entrée de cette terre classique et historique où Virgile et le Tasse ont chanté, où tant de révolutions se sont accomplies. Je remémorerai ma destinée bretonne à la vue de ces montagnes ozoniennes. Si leur rideau venait à se lever, il me découvrirait les plaines de la Lombardie. Par-delà Rome, par-delà Naples, la Sicile, la Grèce, la Syrie, l'Égypte, Carthage. Bord lointain que j'ai mesuré, moi qui ne possède pas l'espace de terre que je presse sous la plante de mes pieds. Mais pourtant mourir ici, finir ici, n'est-ce pas ce que je veux, ce que je cherche ? Je n'en sais rien. Fin de la section 6.